99, Clica représente. Retour du vrai hip-hop. Coute ça. Texte en camouflage. Du façon dans les bacs. Raphaël, défonce en main. Pour toutes sortes de générations, ma musique apporte de bonnes vibrations. Mes paroles viennent du cœur, chaque mot que je donne à sa direction. Contact humain, texte cru, nourri de vérité. Trop de jeunes font partie de la population sacrifiée. J'arrive le mic, trop de vibe, mat autour de moi constate. Beaucoup en veulent se battre, la rue se gâte. C'est pas la révolution mais la réaction d'un jeune sous pression. Au microphone sonne l'heure de repoussant pour ma nation. Consume mes scripts véridiques. Aspire l'atmosphère que j'en compare la manière dont je kick. Je viens d'une nouvelle école, j'espère l'ancienne école. Je veux garder mon monopole, pour l'armée à pas parole. Quoi, j'avance car je ne baisse pas les bras. Mon flow c'est comme l'espoir, le second souffle qui est en moi. Bouddha, je m'arrête là, écoute ça. Je passe la rythmique et le microphone à mon gars. Yeah, c'est ça. Pas pour le châtiment, la punition, le chaos. Accusé 66 kilos sur la balance. 18 combats, aucune défaite au mic. Le tigre dérive. Combien de villes, de mots qui déballent. Quand de ma bouche déballe, ce que tu nommes avoir remet ton front. Par les mots c'est de la balle, que tu sois qu'un vrille, moi car beu kabyle. Bien kabyle, pas ça qui change l'opinion des gens lorsque tu marches en ville. Moi j'enfile, phrase efface en bombe combine, pas ça compile. La thune sur mon compte, ben je suis pas ce compile. Pour vivre bien pourtant en rap, je reste fidèle au deal. Toujours le même, change pas avec ou sans crocodile. Dis-le, chill, mon crew n'est pas des plus dociles. Moi j'y vais au culot, choisis le stylo. Mes rimes, j'ai des stylos. Microactif comme dans un bon casino. Dans ta ville c'est d'action, on est berçu, touche le million. Sinon, j'attendrai pas d'être un chien. On m'appelle l'ancien pour faire parler de moi. Mettre le dawa dans tes enceintes. Crois pas que c'est fastoche, parce que je fais toi l'histoire de festa. De façon je les fesse tous, en tout cas j'en fesse plus d'un. Avec moi y'a plus de MC sans pudeur, qui sent plus. Car sur les ondes FM radio ce sont pas. La dobo s'en passe. Le vrai hip hop c'est si ça se passe. Normal tu t'affoles, parce qu'il y a pas que les filles. Que je renfolle, t'en raffoles, fais la fille. Et tu t'aides pas s'il y a fou. Yeah! Et maintenant de Colombie, la voix rock de la foule urbaine, le guerriero sous micro, et le Henry, le chief, j'ai nommé Roca! Yo, j'éclate ça au mic pour tout l'été, j'envoie du fat rap. Black, blanc, basané, rack, quand mon track lac. J'contre-attaque les chats, flow, à coup de syntaxe. Place au Mac, Daddy, Babi, Jackie, Babi, Toulouse, Pani. J'mani, mes mots casse le tempo, bidon, j'bani. Comme Ali, Mohamed, j'en j'envoie qui j'veux sur le tapis. Phénoménal, colombien, le wild style. Au mic, du sale, mon barré pour parer mes phases de taré. Yo, la clique à mon crew, toute la rue, you gun avec nous quand j'joue. C'est tout Paris que j'représente et c'est jusqu'au bout. La police répit tous ces gars sortent d'où. On casse tout la bague, panique à chaque action. Pierre Balcheron par effraction. Pire qu'un chambour c'est qu'une inflation pour la nation garçon. Comme des narcos de l'art blanchi au nom de la législation. Tel du whisky de contrebande au temps de la prohibition. 75 mon siège et même plus ma circonscription. Négociation de stupéfiant en pleine organisation. Extension de fond, ma spécialisation, grande évasion. Rap métaphorique sociale pour toutes sortes de générations. Fusion du béton, de la brousse puis de ma réflexion. Mon combat, c'est tous les jours que je le mène d'ici bas. C'est le dernier rond pour tous vous convaincre de ne pas baisser. J'en profite pour dédicacer les gars qui me soutiennent pour pas lâcher l'affaire. Mon crew, mes frères, pour un hip-hop millénaire.